La personne humaine est une forteresse inexprimable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Du savoir. Aujourd'hui, la Cité de la musique. Professeur de philosophie à l'Université de Toulouse-Le Mirail, Éric Dufour est également germaniste et traducteur de philosophie allemande. Il travaille depuis longtemps sur Nietzsche, dont il a notamment analysé les pièces musicales. La Cité de la musique, qui a conçu un cycle de conférences sur le thème de l'écoute, a donc invité Éric Dufour le mardi 4 janvier dernier. Son intervention, que nous entendrons ce matin, portait sur Nietzsche, les conditions de possibilité d'un discours sur la musique. Je cite ici les quelques lignes par lesquelles il présente son exposé. L'analyse de la philosophie nietzschéenne traduit une évolution de son discours sur la musique. De la métaphysique de la musique à sa physiologie, en passant par l'esthétique musicale formaliste. Par-delà les diversités des réponses, le problème nietzschéen reste: comment peut-on parler de la musique? En quel sens est-elle un langage? La musique est pour Nietzsche une chose essentielle. D'abord, Nietzsche a fait de la musique avant de faire de la philosophie, et ses œuvres musicales ont été publiées chez Baron-Reiter en 1976. Beaucoup ont été enregistrés. On trouve par exemple chez Deutsche Grammophon l'intégrale des Lieder de Nietzsche par Dietrich Fischer-Dieskau. Ensuite, Nietzsche a fréquenté un nombre incroyable de musiciens, ou plus largement de gens qui travaillaient dans le milieu de la musique. Il y a bien sûr Wagner, que Nietzsche rencontre le 8 novembre 1868, et dont il est l'ami jusqu'à la rupture qu'on peut situer au moment du premier festival de Bayreuth en 1876. Mais il y a aussi le musicologue Karl Fuchs, ainsi que les chefs d'orchestre Hans von Bülow, Félix Mottl, ou encore son ami et pour ainsi dire secrétaire, Peter Gast. Enfin, Nietzsche n'a cessé de réfléchir sur la musique. D'une part, les autres arts ne l'intéressent pas, et l'on trouve à leur propos seulement quelques remarques de notre auteur, de sorte qu'il y a bien, chez lui, une attitude typiquement romantique qui confère à la musique un privilège incontestable. D'autre part, tout autant le premier livre qu'il publie en 1871, La naissance de la tragédie, que les derniers livres de 1888, et là, je pense tout particulièrement au cas Wagner, sous-titré « Un problème pour les musiciens », portent exclusivement sur la musique. En fait, s'il y a bien une diversité absolue des thèses défendues par Nietzsche pendant les différentes périodes de sa vie, comme on le verra, et sans qu'on puisse trouver un dénominateur commun, ou même sans qu'on puisse établir une continuité toute lisse, en vertu de laquelle la première thèse mènerait à la deuxième et la deuxième à la troisième, eh bien l'unité, car il y a bien une unité et une unité véritable dans la philosophie de la musique de Nietzsche, se trouve uniquement dans la question qu'il pose, c'est-à-dire dans le problème qu'il soulève pendant toute sa vie. Et cette question, c'est celle des conditions de possibilité d'un discours sur la musique. S'il y a donc bien chez Nietzsche quelque chose qui reste le même, c'est une préoccupation qui revient inlassablement de 1871 à 1888, celle de savoir comment on peut légitimement parler de la musique, comment donc on peut construire à propos de la musique un discours qui possède une pertinence et une validité. Autrement dit, l'examen de ce que Nietzsche dit à propos de la musique n'a pas seulement un intérêt historique, savoir ce que l'auteur de Zarathoustra affirme à propos de la musique, mais il a un intérêt proprement philosophique, pour autant qu'il nous fait réfléchir sur la légitimité des différents discours que tiennent les gens lorsqu'ils parlent, ou plutôt prétendent parler de la musique. Eh bien, examinons désormais, à l'aune de cette unique question, les différents discours de Nietzsche sur la musique. Alors, Le premier livre publié par Nietzsche est donc La naissance de la tragédie. Ma thèse est que ce livre a pour unique objet la musique. On y trouve certes la distinction entre apollinien et dionysiaque, autour de laquelle est ordonné le discours de Nietzsche. Cette distinction a certes une dimension métaphysique, puisqu'elle est la manière dont Nietzsche reprend et développe la métaphysique schopenhauerienne, à laquelle il adhère à cette époque, tout comme Wagner d'ailleurs. Mais cette métaphysique est développée dans un seul et unique but, faire valoir la musique wagnérienne, et plus exactement l'opéra Tristan et Isolde, unique œuvre musicale citée dans ce livre, comme le renouveau de la musique qui s'est perdue depuis la tragédie grecque. Je souligne d'une part que le couple apollinien-dionysiaque apparaît déjà dans deux écrits de Wagner, Art et Révolution, et De la destination de l'opéra, bien qu'il ait toutefois chez le musicien un sens différent de celui que lui confère le philosophe. Et d'autre part, je souligne également que c'est aussi Wagner qui établit un lien entre ses propres œuvres lyriques et la tragédie grecque, et cela dès Art et Révolution. Donc, dès le début du livre, Nietzsche introduit la distinction entre apollinien et dionysiaque. Cette distinction sert à distinguer les arts plastiques de la musique, donc à déterminer la spécificité de celle-ci et, on le verra, sa supériorité. Mais elle sert aussi, et c'est par là que, par souci de clarté, je commencerai, à mettre en évidence la structure du monde. Je souligne deux éléments importants. Le premier, c'est que la conception de la musique qu'on trouve ici est la même que celle qu'on trouve non seulement chez Schopenhauer, mais également chez Wagner, qui publie un peu avant la naissance de la tragédie un opuscule intitulé Beethoven. Et la seconde, c'est que, dans les trois cas, Nietzsche, Schopenhauer, Wagner, la musique n'est pas expliquée à partir d'elle-même, mais à partir d'une certaine conception du monde dans sa totalité, donc à partir d'une certaine métaphysique, raison pour laquelle c'est d'une métaphysique de la musique qu'il s'agit ici. Conformément à la métaphysique schopenhauerienne, telle qu'elle est entre autres exposée dans « Le monde comme volonté et comme représentation », le monde est pour Nietzsche double. Le monde, c'est d'abord pour moi le monde de la représentation. Or, étant donné que l'espace est un élément a priori par lequel le sujet connaissance représente le monde de la représentation est le monde dans lequel non seulement j'appréhende tous les objets qui apparaissent dans mon horizon perceptif comme séparés et distincts les uns des autres, mais aussi celui dans lequel je me pose à titre de sujet percevant comme distinct du monde que je perçois. Autrement dit, le kantisme de Schopenhauer consiste à affirmer que l'espace n'est pas dans le monde extérieur, dans la chose en soi, mais qu'il relève d'une pré-structuration de ma propre subjectivité que je plaque ou que je projette dans les choses. Voilà ce qui permet de comprendre pourquoi Schopenhauer oppose au monde comme représentation le monde comme volonté. Si le sujet se connaît médiatement comme représentation, c'est-à-dire comme objet au moyen de ce que Kant appelait déjà intuition sensible et concept, eh bien il se connaît immédiatement comme volonté, et par là même il atteint l'essence du monde, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, derrière son apparence comme représentation. Par et dans l'acte volontaire, je saisis, au moyen de ce que Schopenhauer appelle le sentiment, que je suis, tout comme le monde extérieur, irréductible à la connaissance qui passe par la représentation et me donne à connaître des objets séparés les uns des autres, soumis à une causalité aveugle, c'est-à-dire uniquement compréhensible au moyen du mécanisme. Et, comme l'espace est le propre de la représentation, le sentiment volontaire, dont l'espace n'est pas une condition de possibilité, me fait connaître non seulement moi-même comme chose en soi, mais aussi le monde lui-même comme chose en soi. Autrement dit, puisque c'est l'espace qui sépare et distingue les êtres les uns des autres, eh bien le sentiment volontaire, au moment où il me permet de me découvrir dans mon irréductibilité à la représentation, me permet aussi de découvrir le monde dans son irréductibilité à la représentation, dans la mesure où, derrière la diversité des êtres phénoménaux du monde propre à la représentation, eh bien il ne peut y avoir qu'une seule et unique chose en soi, c'est-à-dire une seule et unique volonté dont procède la diversité des êtres phénoménaux. Voilà ce qu'il est important de rappeler si l'on veut comprendre le critère qui permet, chez Schopenhauer, mais aussi chez le Nietzsche de la naissance de la tragédie, de distinguer la musique des autres arts. En effet, tous les arts autres que la musique sont, pour Schopenhauer comme pour Nietzsche, représentatifs ou figuratifs. Il représente le monde des phénomènes. Seule la musique, comme on commence à le proclamer à la fin du XVIIIe siècle, est un art non représentatif ou non figuratif. Ce qui veut dire, en langage schopenhauerien ou bien nietzschéen, seule la musique peut exprimer la volonté ou essence du monde. Nietzsche, dans La naissance de la tragédie, reprend littéralement la thèse schopenhauerienne selon laquelle la musique exprime la volonté, ou encore ce qu'il appelle dans ce texte l'un originaire, l'unité originaire. Mais ce n'est pas dans le même sens que, selon Nietzsche, la musique exprime l'un originaire. Car, pour Schopenhauer, c'est la musique en général qui exprime la volonté, au sens où cette expression est, pour ainsi dire, une caractéristique structurelle de la musique. Et ce n'est pas le cas pour Nietzsche, dans la mesure où Nietzsche affirme que la musique s'est perdue entre les deux pôles qui fixent sa naissance, la tragédie grecque, et sa renaissance, le Tristan de Wagner. Dès lors, la question pour Nietzsche n'est plus en quel sens la musique en général exprime l'un originaire, mais en quel sens le Tristan de Wagner exprime l'un originaire. Et je rappelle à ce propos que Schopenhauer, qui jouait après les repas des airs de Rossini sur sa flûte, n'aimait pas Wagner. L'argument de Nietzsche consiste à mettre en évidence les caractéristiques du drame musical wagnérien, ce qu'il fait d'ailleurs essentiellement dans les fragments posthumes, dans lesquels on trouve les arguments, c'est-à-dire pour ainsi dire tout l'échafaudage qu'il fait disparaître dans les textes publiés. La distinction fondamentale établie dans La naissance de la tragédie entre l'apollinien et le dionysiaque correspond à la distinction schopenhauerienne entre la représentation et la volonté. L'apollinien correspond à tout ce qui relève de la représentation, donc à tout ce qui possède une existence phénoménale. Autrement dit, l'apollinien, c'est tout ce qui est individualisé, tout ce qui possède une forme et des contours fixes et distincts, le séparant de ce qu'il n'est pas. En revanche, le dionysiaque correspond à tout ce qui est en deçà du monde phénoménal de la représentation, à tout ce qui est mobile et changeant, c'est-à-dire encore à tout ce qui n'a pas de contour et donc de détermination, et de plus, à tout ce qui non seulement constitue l'origine des formes fixes et figées, mais aussi leur fin ou leur but, pour autant que tous les êtres déterminés finissent par retourner dans l'unité originaire qui en constitue le fondement. Bref, l'apollinien correspond à l'être et le dionysiaque au devenir. Nietzsche distingue en conséquence dans sa métaphysique deux espèces d'art qui l'opposent, l'art apollinien et l'art dionysiaque. L'art dionysiaque représente donc tout ce qui est individualisé. Il s'agit certes de l'art plastique, la peinture, mais aussi d'une large part de la poésie. Le propre de l'art apollinien est de passer par la médiation de l'image ou du mot, lesquels symbolisent toujours quelque chose qui possède une identité, de sorte que nous pouvons déterminer cette chose et la distinguer de ce qu'elle n'est pas. L'apollinien est lié à l'individuation, à la mesure, à la clarté et à la distinction. Les arts apolliniens sont des symboles de symboles, puisqu'ils représentent le monde apollinien, qui n'est qu'une apparence ou une illusion engendrée par la volonté, donc par l'un originaire. Par opposition, la musique est le seul art dionysiaque. Elle est, écrit Nietzsche, je cite, « une reproduction immédiate de la volonté ». Fin de la citation. La musique est pour Nietzsche un langage signifiant qui possède à ce titre un sens extra-musical. Autrement dit, le musicien ne se contente pas de manier des hauteurs et des durées, mais il exprime par le moyen des sons la volonté. On peut désormais comprendre le statut du drame wagnérien et plus précisément de Tristan et Isolde. La relation dans le drame musical entre l'élément dionysiaque et l'élément apollinien est la même que la relation entre la volonté et le monde des phénomènes. Le monde des sons, qui provient de la nuit, dit Nietzsche, s'incarne dans le monde plastique. C'est-à-dire, ce qui se passe sur la scène, c'est-à-dire les personnages, les situations, mais aussi le texte, voilà la dimension apollinienne qui procède de la musique. C'est en ce sens que Nietzsche écrit que la tragédie naît de l'esprit de la musique, pour reprendre le sous-titre de La naissance de la tragédie, que Nietzsche supprimera dans la seconde édition. Nietzsche écrit que les héros wagnériens naissent de la musique, de la même façon que, dans la tragédie grecque, ce qui se passe sur la scène n'est qu'une vision du cœur. En ce qui concerne la structure proprement musicale, l'expression musicale de l'unité originaire n'implique pas le refus de toute musique imitative qui subordonne la musique au monde phénoménal. Au contraire, elle passe par cette expression qui seule peut donner un langage, et là je cite un passage de Richard Wagner à Bayreuth, dans lequel Nietzsche parle de l'œuvre de Wagner en général. Cette expression qui seule donc peut donner un langage à tout ce qui dans la nature ne consentait pas à parler. Rien n'y saurait rester muet. Aurore, forêt, brouillard, précipice ou sommet, frisson de la nuit ou clair de lune, Wagner s'y plonge et prête l'oreille à leur secret désir. Eux aussi veulent une résonance. Fin de la citation. Cependant, si la musique est le seul art dionysiaque, c'est parce qu'elle possède le pouvoir de montrer comment chaque phénomène individualisé qu'elle peint, avec ses contours clairs et distincts, finit par se dissoudre dans la volonté qui l'a engendrée. Autrement dit, l'expression par la musique de la volonté originaire ne va pas sans la représentation des phénomènes singuliers. C'est la raison pour laquelle la musique n'est l'expression de la volonté que pour autant qu'elle est la représentation des passions humaines. Il y a, dans Richard Wagner à Bayreuth, un texte fondamental dans lequel Nietzsche met en évidence ce qui distingue la représentation musicale de la passion chez Wagner de celle qu'on trouve chez ses prédécesseurs. Nietzsche y explique que, jusqu'à Beethoven et Wagner, la musique représente un éthos, c'est-à-dire un état d'âme, et non pas un pathos, c'est-à-dire une passion. La représentation de l'éthos est celle d'un état d'âme fixe, statique et figé, alors que la représentation du pathos est la représentation du mouvement continu au sein duquel cet état d'âme se déploie. Ce qui d'ailleurs caractérise la musique de Beethoven, ajoute Nietzsche, c'est qu'il cherche à peindre le pathos au moyen de l'éthos. Autrement dit, il ne décrit pas le mouvement par lequel la passion passe par divers états ou moments d'une manière continue, mais il isole dans ce cours continu différents états statiques qu'il conserve à titre d'image fixe en les sortant du mouvement dans lequel elles sont prises. Autrement dit, Beethoven découpe dans le mouvement continu du pathos une succession d'instantanés qui donne l'illusion du mouvement, mais sans montrer comment chaque étape, chaque instantané, procède de l'étape qui précède et mène à celle qui suit. La grandeur de Wagner, lit-on dans le même texte, c'est d'être le premier à peindre ce flux continu par lequel la passion traverse divers états. Si Wagner est le premier à donner une image musicale adéquate de la passion, c'est parce qu'il est le premier qui résout l'être dans le devenir et qui donne une représentation adéquate du mouvement et de la temporalité propre à la passion. Nietzsche écrit dans ce même texte, je cite, « Mesurée à l'aune de la musique wagnérienne, toute musique antérieure semble rigide et timorée, comme s'il n'était pas permis de la regarder sous tous les angles, comme si elle avait honte. Wagner saisit à chaque degré et chaque nuance de sentiment avec une sûreté et une précision extrêmes. » Fin de la citation. Dans l'aria da capo, forme musicale née du style représentatif, l'affetto est représenté par quelques traits structurels très simples, d'ordre harmonique, mélodique et rythmique, qui en fichent pour ainsi dire l'essence. Nietzsche souligne dans le fragment posthume qui correspond à ce texte publié les règles fixes et figées auxquelles obéit la rhétorique musicale propre au style représentatif. Il écrit que l'éthos entrave la passion à la manière d'une loi rigide. Ce qui est représenté musicalement, c'est par exemple l'essence de l'amour, l'amour dans sa généralité, peint par certains traits structuraux répétés au cours de l'aria. Dans l'aria, l'amour ne bouge pas. La structure exemplaire de l'aria da capo, ABA, le signifie d'ailleurs explicitement. Après le premier moment consacré à l'exposition, le deuxième moment introduit une modulation certes inédite mais prévisible, avant la réapparition du premier moment, auquel s'ajoutent désormais des ornementations laissées au bon goût de l'interprète. Autrement dit, l'affetto musical représente une passion abstraite, épurée de son développement, puisqu'on n'assiste ni aux aventures par lesquelles cette passion passe, les intermittences du cœur dont parle Proust, et en plus cette passion est un abstrait qu'on a vidé de ses caractéristiques particulières et concrètes. L'affetto est un peu analogue à ce que la théorie empiriste de la connaissance appelle l'idée générale par opposition aux sensations concrètes. Si l'éthos est un moment fixe ou figé, la passion possède en revanche un développement dramatique qui lui est propre, écrit Nietzsche dans le même texte, avant d'ajouter que chaque passion possède sa propre forme. Partant, on ne peut aucunement assigner, a priori, à chaque passion, une expression musicale fixe, figée et identique. Cette expression musicale se découvre a posteriori et impose au musicien qui cherche à la peindre sa forme spécifique, forme qui est toujours inédite et ne peut absolument pas être anticipée. C'est donc d'une lutte contre le système des figures de la rhétorique musicale qu'il s'agit ici. La représentation musicale d'une passion n'acquiert de légitimité que pour autant qu'elle est créée par son auteur et non pas reprise à une tradition, et elle ne conquiert sa nécessité qu'au sein du développement dans lequel elle naît, de sorte que c'est l'acte musical qui la fait émerger et qui lui confère une genèse, qui lui donne une nécessité. La représentation entrelacée des passions individuelles, pour reprendre une formule de Nietzsche, refuse de dessiner nettement les contours d'une passion, parce que ce serait la figer et la fixer, donc l'isoler du flux, en lui conférant une détermination définitive, et donc par là même arrêter le mouvement, de sorte qu'on introduirait nécessairement une discontinuité par rapport à la figure qui suit et par rapport à celle qui précède. Au contraire, les contours de la figure aussitôt esquissée ne cessent de bouger et de se dissiper pour donner naissance à une autre figure. Voilà ce qui, d'une part, permet de conférer à une passion son caractère singulier et concret, parce qu'elle apparaît irréductible à toute autre passion, mais aussi ce qui, d'autre part, permet de la résorber dans le vouloir, puisque le processus d'identification commence par annoncer quelque chose qui va se trouver invalidé par ce qui suit, de sorte que la passion singulière, aux déterminations changeantes et mouvantes, finit par se dissoudre dans une autre figure, c'est-à-dire dans une autre passion. C'est seulement ainsi que la musique peut conquérir son essence, c'est-à-dire conquérir une temporalité débarrassée de toute tentation spatialisante. Le propre du temps, ce n'est pas d'être, mais de devenir. Opéra et drame, texte fondamental de Wagner dont Nietzsche reprend les idées essentielles, distingue explicitement les arts plastiques dont l'objet est l'être, parce qu'ils sont intimement liés à l'espace, et la musique dont l'objet est le devenir, parce qu'elle relève non pas de l'espace, mais du temps. Lorsque le musicien se donne la mélodie toute faite, comme une structure fixe et figée, il nie la spécificité de la musique et l'assimile par là aux arts plastiques. La mélodie fixe et figée est analogue à l'être présenté par les arts plastiques. Or, le propre de la musique, c'est justement de pouvoir manifester non pas ce qui est, mais ce qui devient, donc le mouvement et la temporalité dans lesquels une idée mélodique se cherche, se dessine et surgit pour finalement se supprimer dans une autre. Aussi, la musique, si elle veut donner une image véritable du temps et conquérir une vérité qu'elle seule peut exprimer, ne doit-elle pas se figer dans une détermination, mais au contraire tisser une continuité dans laquelle chaque moment laisse pressentir une détermination prise dans un devenir tel qu'on ne peut jamais anticiper ce qui va suivre à partir de ce qu'on entend. Elle dessine donc un devenir temporel continu dans lequel le temps apparaît dans sa caractéristique véritable comme un changement incessant, comme un flux. Partant, le rythme, pour autant qu'il spatialise le temps et qu'il immobilise le devenir, reste quelque chose d'extérieur à la musique qui déforme la temporalité véritable. Il faut mettre en évidence les caractéristiques proprement techniques par lesquelles Tristan et Isolde construisent un tel devenir musical qui exprime la volonté dans laquelle sont résorbées toutes les formes individuelles. Premièrement, cette continuité musicale se manifeste dans le refus de la structure de l'opéra, c'est-à-dire de la discontinuité instituée par la succession des récitatifs, des airs et des ensembles. La mélodie infinie wagnérienne est précisément un flux mélodique qui ne s'interrompt pas. Deuxièmement, Wagner construit une continuité véritable au niveau harmonique et mélodique. Dès le prélude, l'écriture musicale de Tristan est subordonnée à la mélodie, donc à la temporalité. Qu'on pense par exemple à ce qu'on appelle l'accord de Tristan, qui est en effet pensé mélodiquement et non harmoniquement. Son indétermination tonale est due à son aspect horizontal. Aussi hésite-t-il temporellement, comme l'a montré Serge Guth dans un article qu'il lui consacre, entre le mi mineur et le la mineur, et participe-t-il des deux à la fois, sans qu'on puisse accorder un privilège à l'une ou l'autre des deux tonalités. Cet accord n'est pas pensé harmoniquement, en fonction des lois du cadre tonal et des passages, modulations qu'il autorise et qu'il défend, mais en fonction d'un déploiement temporel imprévisible de la ligne mélodique qui intègre des notes de passage inattendues déstabilisant la tonalité. Et cette idée vaut pour Tristan dans sa totalité. L'écriture musicale de cet opéra est, comme on le sait, chromatique. Aussi, la mélodie contient-elle systématiquement de longues appoggiatures au demi-ton qui introduisent des dissonances. Le chromatisme, qui était auparavant, et là je cite une formule de Chaillet, un élément occasionnel dans un contexte diatonique, devient ici le fond essentiel, encore une formule de Chaillet, et constitue le moyen par lequel Wagner porte atteinte à la tonalité, dernière formule de Chaillet. Plus largement, la musique wagnérienne cherche à instaurer une indétermination tonale systématique en abusant des notes de passage, des appoggiatures et des modulations, de sorte que la tonalité est constamment brouillée sans que l'auditeur puisse l'identifier. Ce procédé fait de la musique non pas une succession d'états figés et immédiatement reconnaissables, identification de la tonalité et des modulations successives, mais un pur devenir qui se transforme au sein d'un processus de détermination infini qui n'atteint aucun but, même temporaire. Wagner rejette toute stabilité et toute fixité, et il nous précipite dans l'indétermination et l'incertitude. Aussi y a-t-il dans Tristan une véritable continuité et une véritable unité, puisque les contours s'effacent dans un flux mélodique ininterrompu qu'on ne peut pas séparer et découper en moments clairement et distinctement déterminés. Troisièmement, cette indétermination se retrouve au niveau du rythme. Wagner, on le sait, subordonne le rythme musical au texte, c'est-à-dire à l'importance des syllabes, ce qui lui permet de libérer le rythme musical de son assujettissement à la mathématisation et à la mécanisation, bref, à la spatialisation du rythme et donc de la musique. Dans l'œuvre de Wagner, la volonté de lutter contre les lois qui régissent le rythme musical se manifeste par les modifications systématiques des rythmes et des tempi, ainsi que le remarque Nietzsche. Wagner change systématiquement de mesure, utilisant des mesures binaires et des mesures ternaires successivement ou même simultanément, de sorte que le rythme ne devient pas seulement imprévisible, mais surtout imperceptible, parce qu'il est désormais subordonné aux modulations de la ligne mélodique, elle-même soumise à l'énonciation du vers. Tel est le rythme dionysiaque auquel Nietzsche fait allusion dans la naissance de la tragédie. Ce rythme se débarrasse de la fixité mathématique et de toute prévisibilité en se subordonnant au drame, donc au déploiement du vers poétique. La mesure et les temps forts disparaissent, les contours nettement délimités des figures rythmiques se dissolvent dans la mesure où ils sont happés par un mouvement continu qui les frappe d'indétermination. La notation, propre à notre musique occidentale, exige une rationalisation et une mécanisation du rythme. La spatialisation du rythme opérée par la partition se manifeste dans les exigences immuables de la barre de mesure et du découpage mathématique des durées qu'il occupe. Cependant, il ne faut pas voir dans cette notation l'essence de la musique. Si la musique n'est que du temps à l'état pur, eh bien la partition dénature la musique en ce qu'elle opère précisément une spatialisation du temps. Par là même, elle dissout ce qui caractérise le temps et le distingue de l'espace, à savoir le flux ou le devenir. S'il y a une chose que répète Wagner et que reprend Nietzsche, c'est que le rythme constitue l'élément plastique, en langage wagnérien, ou apollinien, en langage nietzschéen, de la musique. Autrement dit, ce qui, dans la musique, reste inessentiel ou étranger à l'essence de la musique. On a jusqu'à présent pensé la musique en la subordonnant à l'art plastique, en témoigne le primat occidental de la partition, le découpage mathématique du rythme, la subordination de la musique à la danse et son assujettissement aux belles formes. Il faut donc retrouver la temporalité pure de la musique en la libérant de cette subordination aux arts plastiques. Et pour commencer, il faut libérer la musique de ce carcan mathématique en soumettant l'organisation rythmique à la force et à l'intensité de la dimension poétique des mots. Voilà pour le premier point. Alors, ce qui est étonnant, c'est de constater le fossé qui sépare les thèses qu'on trouve dans la naissance de la tragédie et celles qu'on trouve quelques années plus tard dans Humain trop humain, c'est-à-dire à un moment où Nietzsche a non seulement rompu avec la métaphysique schopenhauerienne, mais aussi avec la musique wagnérienne. On lit dans l'aphorisme 215 de Humain trop humain. Je cite « En soi, aucune musique n'est profonde ni significative, ne parle de volonté ou de chose en soi. » Fin de la citation. On le voit, Nietzsche, ici, prend explicitement parti contre la thèse majeure de la naissance de la tragédie. Mieux, Ce même aphorisme distingue et hiérarchise deux types d'appréhension de la musique. La jouissance proprement esthétique et musicale est liée aux caractéristiques techniques d'une pièce musicale. Ce qui importe dans la musique, c'est désormais l'architecture des sons, le dessin des lignes et des figures, c'est, comme l'écrit Nietzsche, et là je cite, « ce plaisir au fond quasi scientifique que l'on prend aux habiletés de l'harmonie et de la conduite de la voix ». Fin de la citation. Bref, la musique n'a d'autre sens que son sens littéral, musical. Si la musique est bien un discours, il s'agit simplement d'un discours musical qui obéit aux lois d'une syntaxe musicale qu'il faut apprendre à connaître pour pouvoir en parler. La musique n'a donc aucun sens extra-musical. Peu importe ce que la musique désormais peut exprimer, évoquer ou encore suggérer, car ce ne sont là que des associations d'idées proprement subjectives qui varient selon les individus et ne sont pas fondées dans la chose même. Dans Humain trop humain, comme on le voit, Nietzsche quitte le camp de Wagner pour rejoindre le camp de son ennemi le plus éminent, à savoir le musicologue Eduard Hanslick, qui fait paraître en 1854 l'ouvrage intitulé « Du beau dans la musique », dans lequel on trouve le premier développement d'une conception de la musique qui s'oppose non seulement à l'esthétique du sentiment du XVIIIe siècle, qui fait de la musique, comme son nom l'indique, une expression du sentiment, mais aussi à la métaphysique de la musique du XIXe siècle qu'on a précédemment décrite. Cette conception porte un nom, c'est l'esthétique musicale formaliste. Et si l'on parle d'esthétique formaliste à propos de Hanslick, c'est parce qu'il écrit et explique que, dans la musique, la forme est le contenu même. La forme, c'est la structure musicale de l'œuvre, donc l'organisation mélodique, harmonique et rythmique. Hanslick écrit, je cite, « La beauté d'une œuvre musicale est spécifiquement musicale, c'est-à-dire qu'elle réside dans les combinaisons de sons, sans relation avec une sphère d'idées étrangères, extra-musicales. » Fin de la citation. L'esthétique musicale proposée par Humain trop humain est une esthétique formaliste. Le seul discours légitime sur la musique, désormais, devient un discours sur la forme, c'est-à-dire donc sur l'organisation mélodique, harmonique et rythmique, sur les intensités et sur les timbres. Par une telle conception, Nietzsche veut lutter contre tous les discours sur la musique qui, sous couvert de parler de la musique, ne sont rien d'autre que des exhibitions d'état d'âme qui n'ont rien à voir avec la chose même. Une chose est certaine, et Nietzsche ne cesse de la souligner. Il faut distinguer l'objet esthétique de ce que le sujet plaque sur lui. Sentiments et idées sont relatifs et contingents. Ils ne sont pas contenus dans la musique, et ils ne sont pas de plus éveillés par la musique d'une façon nécessaire dans l'esprit de l'auditeur. Dès lors, parler de la musique en décrivant sa structure au sein d'une analyse technique, c'est éviter de parler de soi et de sa propre appréhension subjective de la musique. L'esthétique musicale proposée par Nietzsche dans Humain trop humain a deux caractéristiques principales. La première caractéristique consiste dans l'éviction du sujet. Ce qui importe pour Nietzsche, ce n'est pas le sujet qui contemple l'œuvre d'art et en qui elle produit un plaisir esthétique. Ce n'est pas la structuration d'une subjectivité esthétique sur laquelle l'œuvre d'art produit un certain effet qu'il faut analyser, mais ce qu'il faut analyser, c'est la structuration de l'objet lui-même, par exemple en musique, la structure de telle ou telle pièce. La seconde caractéristique est la suivante. Parler de l'œuvre d'art en général ou du beau en soi est un non-sens. Il est remarquable que, lorsque Nietzsche parle d'art, il parle toujours de musique, et pas seulement de musique en général, mais toujours de musiciens ou d'œuvres particulières. Le discours esthétique pour Nietzsche, c'est un discours sur les œuvres elles-mêmes, ainsi qu'en témoignent chez Nietzsche les analyses ou les remarques très précises qu'on trouve à propos d'œuvres singulières ou de morceaux singuliers, comme le prélude de Lohengrin, par exemple, ou les premières mesures du début du second acte du Crépuscule des Dieux. Remarquons cependant une difficulté. L'esthétique musicale ne doit pas prendre en compte les sentiments et idées que la musique éveille dans la mesure où ces sentiments et idées sont arbitraires et subjectifs. Est-ce à dire alors que l'esthétique musicale n'est rien d'autre qu'une analyse technique de la musique? L'esthéticien doit-il se limiter à une sèche et aride analyse des partitions dans laquelle il consignerait les particularités rythmiques et harmoniques de telle pièce et dès lors renoncer à toute interprétation, à tout jugement de valeur? Peut-on, dans ce cas, encore parler d'une esthétique? Il est certain que Nietzsche a raison de vouloir fonder l'esthétique musicale contre le foisonnement des discours qui prétendent parler de la musique sans qu'y intervienne une seule considération musicale sur une analyse des partitions. Mais il est toutefois douteux qu'on puisse réduire le discours sur l'art à des considérations techniques, d'où serait exclue toute subjectivité, toute interprétation concernant le sens ou l'effet des procédés musicaux qu'on met à jour. Le discours sur l'art ne saurait être réduit à un jugement de fait qui proscrirait toute appréciation et donc tout jugement de valeur. Et c'est précisément ce problème, c'est-à-dire l'insuffisance d'une esthétique musicale formaliste qui nous conduit jusqu'à la constitution par Nietzsche de ce qu'il appelle une physiologie de la musique. Physiologie de la musique qu'on trouve dans les derniers textes, c'est-à-dire dans les textes de celui qu'on appelle le Nietzsche de la maturité. Alors il y a une idée essentielle et constante dans le discours de Nietzsche sur l'art, et plus précisément sur la musique, à partir de Humain trop humain. Cette idée est explicitement énoncée dans la lettre à Karl Fuchs du 29 juillet 1877. C'est qu'on ne saurait se contenter de parler des sentiments que suscite en nous l'œuvre d'art. Le discours du spectateur sur lui-même et sur ses propres états n'apprend absolument rien. Il faut donc s'intéresser à l'œuvre elle-même et décrire les différents procédés utilisés par un artiste afin de faire surgir la spécificité de son œuvre. Donc, le seul discours esthétique légitime consiste à décrire les moyens employés par l'artiste. C'est d'ailleurs un tel discours descriptif que, dans cette lettre, Nietzsche recommande à son ami musicologue de faire à propos de Wagner. Ce faisant, on peut montrer l'intérêt de l'œuvre d'un musicien. On peut même établir les moyens utilisés par le musicien pour affecter son auditeur. On peut donc, en somme, mettre en évidence sa singularité, son style. Mais on n'établira jamais son infériorité ni sa supériorité par rapport aux autres, et on ne pourra jamais expliquer, par là, pourquoi cette œuvre me plaît et produit en moi un sentiment esthétique. Autrement dit, on ne peut pas passer du plan descriptif au plan axiologique, donc d'un jugement de fait à un jugement de valeur. Nietzsche, pourtant, ne cesse pas, à côté d'un discours descriptif sur la musique, d'émettre des jugements de valeur et de critiquer, à partir de Humain trop humain, la musique wagnérienne. Cependant, ces jugements de valeur qui conduisent Nietzsche, dans le cas Wagner, à ériger la musique de Bizet en antithèse de la musique de Wagner, s'inscrivent à l'intérieur, non pas d'une esthétique musicale, mais d'une physiologie de la musique. Nietzsche écrit, je cite, « Mes objections à la musique de Wagner sont des objections physiologiques. À quoi bon les travestir en formules esthétiques ?» Ou encore, il écrit, « La réfutation de Wagner que donne ce livre n'est pas seulement esthétique, elle est avant tout physiologique. » Fin de la citation. Si la physiologie de la musique émet des jugements de valeur sur la musique, c'est parce qu'elle s'intéresse à l'effet, à l'affect positif ou négatif que la musique produit sur l'auditeur. Nietzsche est convaincu que les jugements esthétiques, dans la mesure où l'on entend par là des jugements de valeur, sont fondés sur des jugements physiologiques. Il écrit, je cite encore, « De la jeunesse du beau et du laid, ce qui par instinct nous répugne esthétiquement, c'est ce qu'une longue expérience a démontré à l'homme comme nuisible, dangereux, suspect. Sous ce rapport, le beau se situe à l'intérieur de la catégorie générale des valeurs biologiques du nuisible, du bienfaisant et de ce qui intensifie la vie. Le sentiment du beau, c'est l'augmentation du sentiment de puissance. » Fin de la citation. On comprend que, dans les textes de ce qu'on appelle le Nietzsche de la maturité, c'est la vie qui devient le critère des jugements axiologiques, c'est-à-dire des jugements de valeur sur la musique. Donc, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, ce n'est absolument pas le jugement purement descriptif de Nietzsche sur la musique de Wagner, mais c'est l'interprétation qu'il en donne. Nietzsche, en ce qui concerne la structure de la musique wagnérienne, décrit d'une manière très précise et absolument invariable les procédés techniques par lesquels Wagner instaure une indétermination tonale, mais il les interprète d'une façon totalement différente et même opposée dans La naissance de la tragédie et dans tous les textes qu'il écrit à partir de Humain trop humain. Désormais, le choix volontaire par lequel Wagner institue une indétermination systématique, tant au niveau harmonique qu'au niveau rythmique, est expliqué comme une incapacité musicale, comme une impuissance à ordonner le chaos musical. C'est que le propre de la vie, c'est d'instaurer une régularité ou une périodicité et plus largement à un ordre dans le chaos. Et nous comprenons dès lors en quel sens la musique wagnérienne s'oppose à la vie ou, pour reprendre une formule de Nietzsche, aux conditions physiologiques de la musique. Non seulement l'homme est une créature qui introduit des formes et des rythmes dans le devenir afin de l'immobiliser en chose et en être, mais plus largement, le propre de la vie, c'est d'introduire de la régularité et donc de l'unité dans ce qui en soi n'en a pas. Partant, c'est donc bien un refus de la tendance propre à la vie qui s'exprime dans la musique wagnérienne. Par exemple, chez Wagner, je cite Nietzsche, « La cessation des grandes périodes rythmiques, le fait qu'il ne reste que des phrases d'une mesure, produit à vrai dire l'impression de l'infini, de la mer. Mais c'est là un artifice, pas la loi normale. Nous aspirons à des périodes. » Fin de la citation. La musique de Wagner refuse tout ordre et toute unité. Elle se borne à construire des moments ou des phrases qu'on pourrait légitimement isoler de ce qui précède et de ce qui suit. Son apparente continuité est due au fait qu'elle se construit dans l'instant, qu'elle entame à chaque instant un processus de constitution sans cesse démenti qui ne trouve ni repos, ni forme, ni détermination et qui se poursuit jusqu'à la fin de l'opéra. C'est en ce sens que la mélodie infinie n'est rien d'autre, comme le dit déjà Humain trop humain, que le règne de l'informe. Elle laisse pressentir quelque chose, elle commence un processus de détermination, mais la détermination, à peine esquissée, se dissout dans une nouvelle détermination. La mélodie wagnérienne n'a donc qu'une continuité apparente, étant donné qu'elle est dénuée de toute unité, c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas une totalité par rapport à laquelle chaque moment prend un sens. En vérité, elle est une simple succession d'instants ou de moments sans qu'aucune loi, sans qu'aucune règle logique ne nous explique pourquoi telle phrase donne naissance à telle autre dans laquelle elle se poursuit. Faute d'une légalité véritable, on voit que seul le hasard détermine l'enchaînement des différentes esquisses. Comme l'écrit, par exemple, le musicien et théoricien André Boukourechliev, et là je cite, « Chez Wagner, changer de tonalité devient un geste tellement constant qu'il se vide de sa capacité à articuler. Moduler, mais venant de quel ton, allant vers quel autre ? Venant en réalité d'une modulation allant vers une autre, c'est-à-dire errant entre les tonalités et par là même les suspendant, les ignorant. » Fin de la citation. La myopie de Wagner pour le tout, l'absence d'unité des différents moments, trouve leur pendant dans la surdétermination du détail, c'est-à-dire de chaque mesure considérée comme fin en soi, donc dans le cisaillement maniaque de chaque instant pris isolément. Néanmoins, il ne s'agit nullement, malgré ce que prétend Wagner et ce que prétendait Nietzsche lui-même encore sous influence, d'une image du temps, mais d'une image au contraire de quelque chose qui s'oppose au temps, donc d'une image d'un chaos qui nous fait pressentir quelque chose qui n'arrive jamais. La musique wagnérienne, dans ses dimensions mélodiques, harmoniques et rythmiques, part à l'aventure, dit Nietzsche. C'est parce que l'idée musicale, lorsqu'elle apparaît, n'est jamais développée, que Nietzsche écrit que Wagner ignore toute dialectique, terme pris ici positivement, puisqu'il équivaut chez Nietzsche, et là je cite, « au sens suprême des formes, qui consiste à développer logiquement les plus compliqués, à partir de la forme initiale la plus simple. » Et Nietzsche donne Chopin comme exemple. L'art wagnérien n'est en ce sens rien d'autre qu'un art de l'amplification, formule de Nietzsche, dans la mesure où le musicien ne sait ni raconter, ni démontrer, formule de Nietzsche. Nietzsche écrit encore, après un thème, Wagner est toujours embarrassé pour continuer, de là la longue préparation, la tension. Fin de la citation. Pour poursuivre l'analogie nietzschéenne, on dira que si la musique wagnérienne se contente de poser au lieu de composer, c'est parce qu'elle se contente de produire une succession d'affirmations qui entretiennent un lien tout extérieur au lieu de construire une preuve ou une démonstration qui seule permettrait d'échapper à la fragmentation. Tous les commentateurs ont relevé les qualificatifs qui reviennent dans les textes du Nietzsche de la maturité. La musique de Wagner met l'auditeur dans le même état qu'un somnambule. Elle produit le même effet que l'alcool ou que la drogue. Cela posé, on ne comprend pas le sens de telle comparaison si l'on fait l'impasse sur les développements qui précèdent. En effet, ce qui caractérise l'alcoolique ou le drogué, c'est la perte du sens du temps. Non seulement leur présent se dilate, mais ils restent incapables d'une part de mesurer le temps qui s'est écoulé et d'autre part d'appréhender ce présent par rapport au passé et au futur. Dans les deux cas, la dispersion ou l'éclatement des moments fragmentés, soumis à la pure succession, est lié à une acuité excessive des sens dans un présent autonomisé qui s'étire indéfiniment, exactement comme dans le prélude de Lohengrin, cette étrange impression qu'on assiste à l'avènement de quelque chose qui ne vient pas, ce que Nietzsche appelle le pressentiment de l'infini. Le propre de la musique wagnérienne, c'est qu'elle fait pressentir, Ahnung machen, dit Nietzsche, c'est-à-dire qu'elle nie l'élément fini dans lequel elle se déploie, la succession des sons, en suggérant l'infini. Les comparaisons de Nietzsche, on le voit, ne sont pas anodines, car elles insistent à nouveau sur l'incapacité d'ordonner le moment dans un tout. De même, si la musique wagnérienne est, comme ne cesse de le répéter Nietzsche, l'expression d'une vie malade et dégénérée, c'est parce que la vie malade est celle qui, passive, se perd dans le chaos sans tenter de l'ordonner activement. La synthèse de toutes ces critiques de Nietzsche se trouve dans l'affirmation selon laquelle ce qui, chez Wagner, est détestable, c'est son sens du temps. Formule qu'on trouve chez Nietzsche. Le propre de la musique wagnérienne, c'est qu'elle privilégie le devenir et par conséquent l'instant sur le temps comme totalité. Cette musique se meut dans un instant qui se transforme et se renouvelle sans cesse, dans un instant qui devient sans jamais être, sans pouvoir jamais trouver une détermination et une identité. Non seulement l'instant présent chez Wagner ne construit jamais aucune direction déterminée vers laquelle il se projetterait, donc un futur qu'on pourrait anticiper, mais il opère systématiquement un déni du passé qu'il refuse d'assumer en recommençant à chaque fois quelque chose de radicalement nouveau. Aussi, la musique wagnérienne procède-t-elle, dit Nietzsche, d'une manière négative, et ce n'est qu'au moyen de prédicats ayant une valeur négative qu'on peut en parler. La musique de Wagner n'affirme pas, ne construit pas, elle n'invente pas, mais elle déconstruit, elle s'oppose, elle nie, tel le lion des trois métamorphoses dans le Zarathoustra. On connaît tous le texte dans lequel Nietzsche définit le grand style, c'est-à-dire la volonté de puissance en musique. Nietzsche écrit, je cite, « Ce style a de commun avec la grande passion qu'il dédaigne de plaire, qu'il oublie de persuader, qu'il commande, qu'il veut. Maîtriser le chaos que l'on est, contraindre son chaos à devenir forme, devenir nécessité dans la forme, devenir logique, simple, non équivoque, mathématique, devenir loi, c'est là la grande ambition. » Fin de la citation. Le grand style implique donc une loi qui permet d'échapper à l'éparpillement et au morcellement, de sorte qu'une unité régit la diversité. Le grand style, en ce sens, fait advenir le temps. Et le temps, ce n'est nullement le chaos, donc le devenir, mais c'est l'ordonnance ou la maîtrise du chaos. D'où, désormais, le lien essentiel de la musique avec la danse, avec la marche, avec la régularité, donc, en un mot, avec l'espace, comme en témoigne aussi le privilège tardif de l'architecture dont Nietzsche dit dans le Crépuscule des idoles que c'est le seul art dans lequel on trouve le grand style. En effet, le temps n'apparaît qu'au moyen de la clarté propre aux formes architecturales et plastiques, permettant d'introduire une régularité, une légalité dans le chaos et permettant de dépasser ce chaos en l'ordonnant. Ceci m'amène à quelques remarques courtes conclusives. Deux remarques conclusives. La première est la suivante. Toutes les critiques de la musique wagnérienne qu'on trouve dans la littérature du XXe siècle, de Debussy à Boccherieff, en passant par Saint-Saëns ou encore Adorno, se trouvent déjà toutes chez Nietzsche, à savoir essentiellement, d'une part, comment peut-on caractériser la musique wagnérienne autrement que d'une manière négative, dans la mesure où elle est essentiellement réactive et non affirmative, constructive, et d'autre part, est-ce que la musique de Wagner est le commencement de quelque chose de nouveau ou est-ce qu'au contraire, elle n'est pas l'achèvement de tout ce qui a précédé? Et cela me conduit à ma deuxième et dernière remarque. La question essentielle chez Nietzsche n'est pas seulement celle de savoir comment construire un discours légitime sur la musique, mais c'est aussi la question que Nietzsche pose pour la première fois et qui est la question du XXe siècle, à savoir la question de savoir si, après la musique de Wagner et plus largement après les transgressions romantiques, est-ce que la musique a encore un avenir? C'est chez Nietzsche qu'on trouve la première formulation de la question de savoir si la musique, aujourd'hui, n'est pas un art mort, de sorte que la seule voie serait alors d'inventer d'autres formes d'art. Et si la question est bien celle-là, on peut en tout cas se demander si le cinéma, à titre d'art total, qui constitue une union véritable des arts figuratifs et de l'art non figuratif qu'est la musique, donc des arts de l'espace comme de l'art du temps, donc de l'apollinien et du dionysiaque, et bien si donc le cinéma ne constitue pas précisément cette forme d'art nouvelle. C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Éric Dufour. Présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut. Radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Tu ne sais pas produire le silence dans une salle. Quelque chose, évidemment, dans le subjectif du public sera mécontent. La fiction, autrement, la fiction s'invite sur franceculture.com. Présentation et coulisses, le making-of multimédia, gros plans et portraits, dates et rendez-vous, forum de discussion. La fiction se croque à la carte et selon vos envies sur franceculture.com. France Culture, partenaire. Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde, au Maroc, du 3 au 11 juin. 11e édition d'un festival qui encourage le dialogue entre les cultures. Artistes de légende côtoieront des musiciens confirmés ou des talents en voie de reconnaissance. Avec notamment la cantatrice espagnole Teresa Berganza, le sitariste indien Ravi Shankar, le chanteur irakien Kadem Saher, l'ensemble Aseyubachi, une journée entière autour des chants et musiques d'Asie centrale. Festival des musiques sacrées du monde, du 3 au 11 juin, à Fès, à retrouver dans les émissions de France Culture. Équinoxe, de Caroline Bourgine, Les vivants et les dieux, de Michel Cazenave, Double culture, de Toufik Hakem, et sur franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. Les chemins de la connaissance à 11h30 circulent dans l'œuvre et la pensée de Tocqueville. Quatrième volet ce matin, contribution de la pensée de Tocqueville à la langue et au concept de la démocratie avec Laurence Guélec, maîtresse de conférences en littérature française à l'université de Poitiers, auteur de Tocqueville et les langages de la démocratie paru chez Honoré Champion. 11h fiction feuilleton sur la route de Jack Kerouac dans une nouvelle adaptation de Catherine de Saint-Phalle